Perle de Rubis, tome 3, Réas, de Anya Tressolaire, lu par Anya pour Audiocité. Chapitre 20. 2161, année Upléenne. Le vent soufflait sur les dunes, déplaçant le sable dans un balai agressif qui rendait l'horizon trouble. La peau de tous les bolbolcos du troupeau sauvage était jaune. Les animaux relevèrent dans un même mouvement leurs encolures pour orienter leurs regards vers les trois silhouettes approchantes. Une des silhouettes, un bolbolco à la peau jaune, marchait aux côtés d'un congénère vert. Tous devaient trouver ce second bolbolco excentrique. Quelle idée d'afficher une peau verte dans un paysage sableux. Les deux quadrupèdes, en marche, était accompagné d'un bipède sans faculté de camouflage, une nifienne à la peau bleue. Sa combinaison recouvrait tout son corps, excepté les fentes auditives du cou et le bas du visage. Chitral, qui avait adopté un pas indolent depuis leur départ du palais, s'élança vers le troupeau sauvage dès qu'il l'aperçut. Il prenait la peine de marteler le sol meuble du mieux qu'il pouvait dans les foulées de son galop pour envoyer des vibrations aux autres bolbolcos, qui se campèrent aussitôt droit sur leurs jambes pour pleinement ressentir les vibrations et ainsi capter ce que ce visiteur avait à leur dire. Goba, à la vue de son compagnon soudainement enjoué, démarra au quart de tour, oubliant qu'il était relié à quelqu'un par sa longe. La corde se tendit si vite que Zélé sentit son bras partir en avant, puis tout son corps. Heureusement, elle lâcha assez tôt pour ne pas finir la tête dans le sable. Ses pieds triangulaires n'étaient pas conçus pour la marche dans un terrain mou. Ceux des bolbolcos, formés de trois doigts larges, l'étaient bien davantage. L'héritière du trône du Pléas observa un temps les bolbolcos du troupeau trotter nerveusement en cercle autour des deux nouveaux venus, alors que ces derniers balançaient leurs encolures, comme pour répondre à des questions inaudibles. Zélé en profita aussi pour reprendre son souffle et reposer ses jambes. Elle s'assit en tailleur sur le sable chaud et tenta d'imaginer la suite des événements. La princesse avait beau avoir vécu avec Goba presque toute sa vie, elle ne connaissait pas pour autant les mœurs de son espèce. Elle ne s'était aventurée dans le désert pour observer les bolbolcos que très peu de fois dans son adolescence. Quand la parade se calma, Goba tourna la tête vers son amie Nifienne. Ses trois naseaux se dilataient totalement sous l'effort de sa puissante respiration. Soudain, il rua et se précipita à sa rencontre. Il cavalait vers elle, mais Zélé ne bougea pas. Au dernier moment, il pila dans le sable, l'aspergeant d'une pluie de grains. Elle toussa. « Goba, très drôle, » dit Zélé. Il avait bien compris qu'elle gardait un air grave, alors que lui était à la fête. En temps normal, sa plaisanterie aurait eu de l'effet. Là, Zélé restait de marbre. L'excitation qui habitait le corps massif de Goba se dissipa, et il baissa la tête pour venir la coller dans les bras de la Nifienne. Goba, il faut que nous parlions. Misha est parti et Chitral a senti le besoin de quitter le palais, de retourner vivre dans le désert. C'est son droit le plus fondamental. C'est pour cela que nous l'avons suivi. Je voulais m'assurer qu'elle irait dans un endroit sûr, qu'elle ne se perdrait pas. Mais il y a autre chose. Les mots se bousculaient dans sa tête et se bloquaient dans sa gorge. Il ne voulait pas sortir. Jamais elle n'aurait cru que pareil jour viendrait. Coûte que coûte, il fallait le faire. Goba, tu devrais aller avec elle. J'avais partir, moi aussi. Je dois aller à un sommet du comète. Cela prendra de nombreux jours et ensuite, selon la décision, beaucoup d'événements s'enchaîneront. Je ne serai peut-être pas de retour sur Upléas avant plusieurs mois ou alors je serai si occupée que nous ne nous verrions pas. S'il te plaît, ne te sens pas abandonnée. Tu sais que j'attire à toi, par-dessus tout. Mais tu seras seule dans le cratère vert, ce n'est pas ce qu'elle te faut. Va avec elle, tout ira bien. Quand tout sera terminé, je reviendrai te voir. Et si tu la veux, nous revivrons à nouveau ensemble, tu choisiras. Et si jamais tu ne t'entendais pas avec tes congénères, tu retrouverais bien vite le chemin de l'oasis. Le bolbolco fixait intensément la princesse de ses gros yeux globuleux. Même s'il était sourd, Zélé savait qu'il comprenait ce qu'elle lui disait. Sa sensibilité captait parfaitement ses émotions. Elle enlaça sa tête un long moment, déposa un baiser sur son museau carré, se releva, puis tourna le dos, hésita, et finalement marcha sans se retourner. Goba la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle eût disparu derrière la dune. Il demeura immobile, guettant son éventuelle réapparition plusieurs longues minutes. Et se résigna. Il rejoignit sans hâte le troupeau, la tête basse. Ormain attendait dans un véhicule derrière la dune. Il avait suivi le petit cortège à vitesse réduite. Quand l'ombre de l'héritière le tira de ses pensées, il actionna la porte qui coulissa et Zélé prit place dans l'habitacle. Quand elle entrouvit sa combinaison, sa peau apprécia instantanément l'air climatisé. « Les implants pour Bolbolco n'existent pas ?» demanda Ormain. « Pour rester en contact avec Goba, tu veux dire ?»« Tu le dis toi-même, c'est un Bolbolco. Il ne peut pas émettre l'envie d'avoir un implant. C'est un gadget appliqué uniquement aux personnes capables d'en faire la demande, » expliqua Zélé. Tu qualifies les implants eux de gadgets à présent ? S'étonna Ormain. Un peu de compassion, s'il te plaît. Ce sevrage de l'implant de la connexion permanente au Rézarque, cette réhabilitation de mon corps, sont un tel effort pour moi, se plaignit Zélé. Tu sais que tu as tout mon soutien, ma chère droguée, plaisanta Ormain. Trop aimable. Dépose-moi chez Zoku. Tu pourras ensuite rentrer au palais seul. Je prendrai les transports en commun pour le retour, lui dit Zélé. Tu es pire qu'une mercenaire. En plus de son rapport biologique sur Nikias, tu veux que Zoku te fournisse l'argumentaire parfait qui incitera le comète à intervenir? Tu vas le tuer à ce rythme-là, plaisanta Ormain. Si seulement, Zoku est doué pour les données, pour les analyses. Son rapport est parfait, mais pour la politique, n'importe qui sauf lui. Nous devons trouver un argumentaire implacable et j'enrage que nous soyons bloqués si près du but, s'impatienta Zélé. Je sais bien que tu veux coûte que coûte éviter de demander l'aide de ta mère, commença Ormain. Tu le sais, oui, alors ne m'en parle pas, s'impatienta Zélé. Le temps presse, Zélé. Nous partons pour le sommet du comète demain, et nous n'aurons bientôt plus le choix, tenta de la raisonner Ormain. Ce qui veut dire que nous l'avons toujours, Ormain. Je ne te contredirai pas davantage pour le moment. Dors un peu, conclut Ormain. La princesse passa sa main sur l'épaule d'Ormain, comme pour le remercier de ne pas insister, et se laissa aller dans son siège pour se reposer le court temps du trajet. Lors de leur mission sur Nikéas, la carence en dionine et la déconnexion permanente du Rézarque que Zélé avait expérimenté lui avaient permis de prendre conscience de sa totale dépendance mentale et physique à son implant U. Ce manque l'avait amenée à agir comme elle ne l'aurait jamais fait, dans son état normal. Elle avait même des absences totales, des trous de mémoire dans la chronologie des événements. Elle avait jugé bon de commencer une thérapie pour tenter de retrouver les souvenirs perdus, ceux correspondant au moment où ni Ormain ni Zoku n'étaient présents, et aussi surmonter sa réduction de division d'esprit et accepter à nouveau une nourriture solide, plutôt que l'ingestion de pilules alimentaires. Son physique évoluait. Elle avait du mal à reconnaître son corps maintenant que son estomac se redéveloppait, ainsi que des rondeurs naturelles. Tout cela la fatiguait beaucoup. Chaque minute était bonne à prendre pour somnoler. L'atmosphère du logement de Zoku avait bien changé depuis la dernière visite de Zélé. Cela remontait au jour de leur départ pour Nikéas. Bien que ce jour ne fût pas si éloigné dans le temps, c'était une autre vie pour l'héritière. Elle était à l'époque persuadée que ce voyage les mènerait sur une planète morte, impropre à recevoir la vie. Comme elle s'était fourvoyée. Comme elle avait été dupée par la reine, au même titre que tous les suppliants et citoyens du comète. Ses pas la menèrent au laboratoire de Zoku. Mais au lieu de l'y trouver lui, elle trouva quelqu'un d'autre, une silhouette encore plus familière à la peau bleue, qui lui tournait le dos. Comment pouvait-il être là, alors qu'il venait de se quitter? Ormain, que fais-tu là? Tu viens de me déposer? Au son de la voix qui l'interpellait, la silhouette fit volte-face, et Zélé étouffa un cri de surprise en découvrant qu'elle s'était trompée. Habituellement, elle aurait d'instinct scanné la silhouette et son implant aurait déterminé si les mensurations correspondaient à celles d'Ormain en une fraction de seconde. L'implant aurait balayé le doute et son interlocuteur n'aurait rien su de sa méprise. Mais cela correspondait à une tâche simple de l'implant U et elle les avait bannis. Son stade de déconnexion de l'implant ne lui accordait que d'accomplir des tâches complexes. Princesse Zélé, quelle surprise! Vous ne m'avez pas prévenu de votre venue, dit Zoku. Zoku, non, les tâches simples me sont presque complètement interdites, et je ne voulais pas céder à la tentation. Que t'est-elle arrivé? Ta peau? Tes taches cutanées? Balbutia Zélé. Princesse Zélé, le climat de Nikéas a eu l'air d'avoir un effet sur mon organisme. La voix avait dit que je me sentais comme revigorée. Eh bien, j'ai voulu pousser l'expérience jusqu'au bout. J'ai tenté de recréer le plus fidèlement possible l'atmosphère des galeries chez moi, et les effets ressentis pendant notre séjour ont continué à se développer. Ma peau a bleui et mes taches cutanées ont presque disparu, expliqua Zoku. Zoku, ta voix a changé aussi, remarqua Zélé. Princesse Zélé, oui, c'est en écoutant mes enregistrements passés que je m'en suis aperçue. C'est sûrement un effet secondaire de la diminution de mes irritations de bronches. Elles ont presque entièrement disparu. Je pensais être en bonne santé, mais en fait, j'étais parasitée de plein de petits soucis. Pas grave, mais tout de même présents et anormaux, à mieux y réfléchir. La princesse avait entrouvert sa combinaison pour également profiter de l'atmosphère de l'appartement. Elle parcourait la pièce, pensive, pendant que Zoku continuait de décrire les changements de son corps qu'il constatait. Zoku, ce n'est pas par hasard que je viens te voir, commença Zélé. Princesse Zélé, c'est au sujet de mon rapport? Demanda Zoku. Zoku, non, pas du tout. Enfin, il est parfait, infiniment parfait. Le cercle de réception l'a validé dès sa soumission. Tout nous a fait gagner beaucoup de temps. Princesse Zélé, et votre argumentaire, est-il prêt? J'aurais aimé le lire, dit Zoku. Zoku, malheureusement, non, c'est un fiasco. Je ne parviens pas à trouver ce qui permettrait de forcer le comète à intervenir. Nous n'avons que notre vision à leur présenter, à laquelle elles pourraient facilement opposer leur point de vue. Rien qui ne puisse les mettre au pied du mur, s'attrista Zélé. Une alarme retentit soudain. Zélé et Zoku se regardèrent, comme pour s'interroger respectivement, chacun cherchant une explication dans le regard de l'autre. Puis Zoku claqua des doigts et quitta la pièce pour revenir rapidement, après avoir fait coulisser une porte de sas, à en croire le son interprété par les fonds auditifs de Zélé. Princesse Zélé, vous n'aviez pas refermé le sas d'entrée. Évidemment, l'humidité ambiante a commencé à chuter. Je contrôle cela de très près, sinon mon système de génération d'atmosphère d'Ikien ne peut plus fonctionner, expliqua Zoku. Zoku, désolé, ce n'est pas trop grave, s'inquiéta Zélé. Princesse Zélé, très peu. Il va falloir que je réalimente légèrement en eau l'humidificateur. Mais j'ai été assez économe depuis le début de l'année. Ça devrait suffire. Je recycle en circuit fermé l'eau pour ne pas avoir à dépasser mon quota annuel, continua Zoku. Zoku, ton quota en eau? Demanda Zélé. Princesse Zélé, oui, celui de la répartition des ressources. La seule eau à disposition. Je ne veux pas avoir à remplir une demande pour davantage d'eau. Ce genre d'affaire requiert une enquête et prend un temps fou. De plus, je préfère faire profil bas, avec mon changement d'aspect, puisque vous n'avez pas encore parlé au sommet, expliqua Zoku. Lupléen enchaîna avec une description technique de son générateur d'atmosphère et du récupérateur d'humidité qu'il avait confectionné, sans remarquer, comme toujours quand il partait dans ce genre d'explication, que son auditoire n'était pas des plus attentifs. À la défense de Zoku, Zélé promenait ses yeux le long des conduits qui longeaient les murs, de la pièce. Il était facile de croire qu'elle étudiait l'installation qui lui était décrite, sauf qu'il n'en était rien. Balader son regard l'aidait à réfléchir. Zélé sentait qu'il venait de lui donner un indice précieux pour développer son argumentaire. Zoku, mais oui, les quotas! Oh, Zoku, tu viens de résoudre mon problème numéro un! S'enthousiasma Zélé. Princesse Zélé, vraiment? Et comment? Demanda Zoku. Zoku, rien de bien précis tout de suite, mais j'assens que l'idée de base pour convaincre le comète est là. Zélé sauta au cou de Zoku et l'embrassa fort sur la joue. Celui-ci n'eut pas le temps d'être gêné tant il avait été surpris par son enthousiasme soudain. Zélé était consciente que tout argumentaire restait à construire, mais il était certain que le cœur de motivation du comète pour libérer Nikéas se situait dans cette histoire de répartition des ressources. Princesse Zélé, si ce n'est pas au sujet de l'argumentaire, pourquoi me rendez-vous à visite? Demanda Zoku. Zoku, ah oui, la raison de ma visite est d'un tout autre ordre que ton rapport. Nous n'en avons jamais parlé, mais c'est pourtant un sujet qui nous concerne au plus haut point depuis toujours. Je ne sais trop comment amener cela avec tact, alors j'asserai direct et je te prierai de ne pas m'en tenir rigueur. Même toi, veux-tu m'épouser? Demanda Zélé. Zoku afficha un air surpris et répéta plusieurs fois dans sa tête ces deux questions afin de formuler une réponse cohérente ou appropriée. Princesse Zélé, c'est à moi que vois poser ces questions? Je crois qu'elle s'adresse à vous en premier lieu, commença Zoku. Zoku, nous sommes tout autant concernés l'une que l'autre. L'idée de te faire roi est de ma mère. Velte s'est indifférent à la politique, et toi me laisserais ainsi libre de mes décisions sans jamais opposer d'objection. Ce n'est pas ce que j'a souhaite pour Eupléas. Je ne veux pas être une dictatrice comme la reine Zelenouma, expliqua Zélée. Princesse Zélée dictatrice, comment osez-vous? S'indigna Zoku. Zoku, pas de leçon d'étiquette ou de respect avec moi, s'il te plaît. J'a baigné dedans, mais j'en suis sortie, et j'a compte bien ouvrir les yeux de tout le monde. J'ai beaucoup de projets pour Eupléas. Pour les mener à bien, ce n'est pas un roi comme toi qu'il faut. Tu m'es utile, là, en tant que scientifique, à analyser des données. À mes côtés, sur le trône, tu ne serais pas à la bonne place. Partage-toi mon avis, demanda Zélée. Princesse Zélée, bien sûr. Je supporte à peine de sortir de mon laboratoire, alors voyager dans le comète, je ne tiendrai pas une semaine, répondit Zoku. Il émit un petit rire forcé, que Zélée ne releva pas. L'héritière avait tant appréhendé cette conversation, elle avait beau le connaître depuis sa plus tendre enfance, il lui avait été impossible de prévoir sa réaction. Finalement, Zoku s'était montré fidèle à lui-même, serein et plein de bon sens, et non pas trahi ou rejeté. Princesse Zélée, de toute façon, ce mariage arrangé n'était pas ce qui nous maintenait en contact, reprit Zoku. Zoku, non, bien sûr que non, enfin, j'accrois. Ne la prends pas mal, mais j'ai peu de souvenirs de toi. Avec l'accès limité à mon implant, je n'ai de nous deux que des souvenirs pré-implantaires, quand nous étions petites, avec Misha. Nous deux adultes, c'est vague, expliqua Zélée. Princesse Zélée, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas vexée. Quand partez-vous pour le sommet du comète, si je puis y avoir cette information? Zoku, évidemment que tu peux. Demain, Ormaïne et moi embarquons. J'aurai tout le loisir de lire ton rapport. Je te faisais suffisamment confiance pour le soumettre, en ne l'ayant que survolé. Mais Ormaïne, lui, l'a étudié en entier, et n'avait rien à y redire. Ils échangèrent quelques courtoisies et la princesse se retira vite. Dehors, elle ferma jusqu'à son menton sa combinaison pour protéger sa peau de la chaleur infernale upléenne. Quelle idée avait-elle eue de vouloir prendre les transports en commun pour rentrer au palais? Ceux-ci étaient à peine climatisés, ils n'étaient pas étudiés pour garantir le confort de l'héritière dans ses déplacements quand elle n'avait d'autre choix que de sortir du palais ou de ne pas être dans son oasis. Elle pensa que Zoku non plus, bientôt, ne pourrait plus supporter cela. Il devrait porter une combinaison lui-même pour sortir. Était-ce cela qui attendait les Upléens si Zélée allait au bout de ses idées? Leurs organismes seraient soumis à une atmosphère humide dans les bâtiments, et au final, plus aucun d'eux ne supporterait le climat de leur planète natale? Mais était-ce un mal, puisqu'ils n'auraient jamais dû vivre dans cette fournaise? Le troisième étage du palais était celui qui accueillait le plus de visiteurs, car il n'avait jamais à être fermé. Puisque c'était celui où résidait le roi Idlé, les deux étages inférieurs devenaient inaccessibles au public, si la reine ou l'héritière était dans ses appartements, pour ne pas déranger, alors que la discrétion du roi était telle qu'il n'y avait aucune différence s'il était ou non présent. De plus, l'absence totale d'intérêt du public pour lui protégeait les visites de tout débordement potentiel à sa vue. C'était avant tout pour éviter de croiser le chemin de la reine qu'Ormaïne s'était réfugié au troisième étage, en attendant le retour de Zélée, et vu aussi parce qu'il appréciait l'atmosphère sereine qui y régnait. Les visiteurs ne s'extasiaient pas devant des portraits, ou sur le carrelage que foulait leur bien-aimée souveraine. Ils chuchotaient de simples remarques sur l'architecture, ou continuaient des conversations débutées plus tôt, en se déplaçant au rythme de leur guide, dont la royale ferveur chutait nettement à cet étage. Ormaïne, ses voix, si je ne me trompe. Un touriste s'était éloigné de son groupe, s'était placé à côté d'Ormaïne, le temps d'observer un vase, puis avait orienté son regard sur le Nikéen plusieurs secondes, avant de lui adresser cette question. Ormaïne avait senti qu'on le regardait, mais avait préféré ignorer ce comportement, avant d'être sidéré d'entendre son prénom. Son aplomb avait alors scanné le visage du touriste, et l'identification le fit rougir de ne pas l'avoir reconnu. Je ne t'avais pas reconnu, désolé, ton Altesse. De toute façon, ton implant n'a pas ce qu'il faut pour une conversation avec moi, dit Ormaïne. Ormaïne, tu veux dire qu'elle me faudrait de quoi interpréter le Nikéen, répondit le roi. Oh, Zélée te l'a fourni, s'étonna Ormaïne. Le groupe de touristes fut conduit par leur guide dans la salle suivante. Ils se retrouvèrent seuls. Idlé dirigea Ormaïne vers son bureau, seule pièce de l'étage inaccessible au public. Ormaïn, ça aurait été charmant, mais ma dernière interaction avec ma fille remonte à bien avant votre escapade. C'est à mon épouse que je dois le traducteur. Voilà qui est bien généreux de sa part, remarqua Ormaïn. Ormaïn, malgré ton statut privilégié, tu n'en sais pas plus que toutes ces citoyennes qui se baladent en se figurant que je suis un sot. S'ils s'apercevaient que tu visites ton propre palais, ils se conforteraient dans leur idée, répondit Ormaïn. Il rit de bon cœur à cette réflexion. Il indiqua à Ormaïn de s'asseoir pendant qu'il se dirigeait vers un placard contenant divers fruits sur plusieurs étagères. Il en sélectionna quelques-uns, après une inspection minutieuse, et s'installa au bar pour les découper et les mixer. Ormaïn, écoutez les commentaires des guides et ceux des visiteurs est mon petit plaisir. Ma vie est moins exaltante que celle des souveraines. La reine t'en empêche ? Demanda Ormaïn. Ormaïn, bien sûr que non. Ma vie me plaît, ne te méprends pas. J'aime l'existence paisible que je mène ici. Personne n'aurait pu m'offrir meilleure vie que Mazema. Tu ne te considères pas comme reclus, maintenu à l'écart? Ormaïn, est-ce zélé qu'il a dit toutes ces horreurs? Elle me semble constituer une source fiable. Ormaïn, à l'évidence, pas dans ce domaine. Ce serait inapproprié que je te parle plus en détail de ma vie privée. Nous ne sommes pas de la même famille, pour l'instant. En attendant, c'est avec ma fille que je dois clarifier la situation. Tu ne viens pas avec nous au sommet du comète ? Demanda Ormaïn. Ormaïn, en effet, c'est avec plaisir que je te laisse ce pénible voyage. Contrairement à vous, j'aurai tous les avantages. Pas de voyage à subir, uniquement l'assistance à tous les débats. Zélé m'a pourtant dit que les débats n'étaient pas publics. Ormaïn, en effet, une nouvelle fois. Zéma me partage tout ce dont elle est témoin via son implant. Début de connexion. Je suis de retour au palais. Où es-tu, Ormaïn ? Au troisième étage, dans le bureau de ton père, en sa compagnie, répondit Ormaïn. Qu'est-ce que... s'étonna Zélé. Je t'expliquerai. Rejoins-nous. Ne fais pas traîner la conversation, les échanges via implant te sont limités à une seconde. La gronda Ormaïn. Très bien, j'arrive. Tiens, je te fais parvenir un visuel de Zoku. Fin de connexion. Le roi et Ormaïn eurent juste le temps de terminer de siroter leur cocktail que Zélé fit irruption dans la pièce. Ils sursautèrent à son arrivée, tant elle avait ouvert la porte avec énergie et tant son pas était rapide. Elle échangea quelques politesses avec le roi avant de tirer Ormaïn par le bras hors du bureau et de le traîner à vive allure le long de la salle principale. Dépassant des touristes, qui se retournèrent machinalement et bientôt des « c'est l'héritière !» fusèrent. Limité dans l'utilisation de son implant, Zélé ne pouvait plus activer ou désactiver à volonté le visage que percevaient les autres implantés. Et elle n'y avait même pas songé. Une vie, sans esprit monopolisé par l'implant, était-elle en train de poindre. « Vas-tu me dire jusqu'où tu me traînes et pourquoi ?» demanda Ormaïn. « Dans mes appartements, j'ai trouvé notre stratégie. Je ne peux pas en parler devant le roi, ce mouchard de la reine. » répondit Zélé. Arrivé devant la porte de ses appartements, Zélé s'arrêta deux bons mètres devant la porte et poussa en avant Ormaïn. « Avance, la porte devrait s'ouvrir. Je l'ai programmée pour que tu sois accepté. » expliqua Zélé. Les deux battants de la porte s'ouvrirent. Hé, hey, la porte de ma chambre à moi, Emmanuel. En quel nom as-tu droit au privilège d'une porte à identification ? S'indigna Ormaïn. Je ne sais pas. Héritière, peut-être ? Ce sera bien plus confortable pour toi. Si jamais tu es au palais et tu veux être tranquille, viens ici plutôt que d'être enfermé dans ta chambre ou de subir des échanges soporifiques avec le roi. Expliqua Zélé. Détrompe-toi, c'était enrichissant. Mais j'en prends bonne note. Alors ce visuel de Zoku ? Dit Ormaïn. Oh oui, c'est fantastique, n'est-ce pas ? S'enthousiasma Zélé. Que lui arrive-t-il ? Ormaïn posait la question sur un ton très concerné. Il va très bien, ne t'inquiète pas. En fait, il a recréé chez lui l'atmosphère nikéenne, de ta région plus exactement. Et le voilà avec la peau qui bleuit. Elle devient luisante et ses taches cutanées ont réduit de taille, voire disparu, s'écria Zélé. En gros, il devient comme toi. Ormaïn avait hésité à en venir à cette conclusion. Mais c'était là ce qu'il voyait et n'avait pu s'empêcher de parler franchement. Il leva un regard désolé sur Zélé, espérant qu'elle ne le prendrait pas mal. Elle avait l'air de mieux accepter sa « maladie de peau » depuis quelque temps. Mais il n'était pas sûr de savoir à quel point elle l'acceptait. Zélie lui répondit sur un ton toujours aussi enthousiaste. « Ça en a tout l'air, et c'est là que va résider la clé de notre argumentation auprès du comète. »« Que Zoku a contracté ta maladie ?» s'étonna Ormaïn. « Non, l'inverse. D'accord, ce n'est pas totalement honnête, mais notre carte à jouer réside dans cette idée. Avant Nikéas, Zoku et moi avions une peau verte et sèche. Sur Nikéas, notre épiderme a muté, et depuis notre retour, nous ressentons le besoin de vivre dans une atmosphère humide, ce qui continue la mutation et améliore notre santé, » expliqua Zélé. « En effet, ce n'est pas totalement la vérité, » s'indigna Ormaïn. « Si peu, c'est absolument vrai pour Zoku. Alors ça le serait aussi pour moi si je n'avais pas déjà été bleu avant de partir. »« Bleu? C'est comme ça que tu m'appelles alors, le bleu ?» s'étonna Ormaïn. « Ne sois pas stupide, tu comprends ce que je veux dire, » répondit Zélé. « Je ne le prends pas mal, je suis... amusé, étonné. » Donc voilà notre argumentaire, continua Zélé. Nous ne cacherons rien de l'histoire du peuple Upléen, son exode forcé sur Upléas et le climat inadapté, qui nous rend malades et nous oblige à importer de l'eau sur Upléas. Non parce que la météorologie est malencontreusement mauvaise, excuse employée actuellement par la reine, mais parce que nos besoins en ressources ne correspondent pas à l'écosystème du lieu où nous vivons. Et ça, c'est contraire au pacte du comète. Nous appauvrissons les ressources de cette planète, nous consommons plus qu'elle ne peut en fournir, sûrement au détriment des autres espèces. Ça les décidera à mettre les mercenaires dehors ? Demanda Ormaïn. J'y vois notre seule chance de les convaincre, conclut Zélé. Alors tu vas publiquement admettre que j'avais raison en disant que si les Upliens vivaient dans ton oasis, ils seraient comme toi ? S'étonna Ormaïn. J'en suis convaincue désormais. Le ton enthousiaste de Zélé se dissipa et son visage prit un air grave. Elle prit la main d'Ormaïn pour lui traduire sa profonde sincérité. Je suis désolée d'avoir réagi si violemment par le passé quand tu évoquais avec lucidité cette hypothèse. C'est juste que, toute ma vie, on m'a dit que les choses étaient ainsi, que l'on n'y pouvait rien. Depuis Nikéas, j'ai compris, les mensonges. Mais même les sachant, ce n'est pas pour autant que je pouvais tout accepter d'un coup. Et quelque chose me dit que nous ne sommes qu'au début de nos découvertes. Il faut le temps de les digérer. Et avec mon estomac atrophié, c'est plutôt difficile. C'est difficile pour moi d'accepter que ce monde que je croyais parfait cache des atrocités sans nom et qu'il ne suffit pas de les révéler pour qu'elles prennent fin. Je pensais le monde juste. Tout est faux ou inversé. Désolée, je m'apitoie sur mon sort. Tu dois ressentir la même chose avec ce qu'Eli Jody nous a dit sur les résistants que les villageois vous sauvaient dans l'unique but de planifier leur libération. Non, répondit Ormaïn. Kawa l'a ressenti ainsi, pas moi. Peu importe pourquoi les habitants nous ont sauvés, ce qui compte, c'est qu'ils l'aient fait. Ils ont pris des risques, et je suis certain que la motivation première était de tenter d'épargner un enfant. Et avec le temps, ils ont dû imaginer que nos vies cachées permettraient la naissance d'une rébellion. En étant tout aussi démunis qu'eux, ce n'est pas simple. Pourtant, au final, leur plan a marché. C'est par nous que l'appel à l'aide a été entendu. « Tu es optimiste ?» dit Zélé. « Peut-être. Je me trouve réaliste. Ne l'es-tu pas, Zélé ?» J'ai dû l'être, avant, plus maintenant. Ça reviendra, la conforta Ormaïn. Puisque tout va mal, ou est incertain, tu es pessimiste. Il suffira d'un événement se déroulant pile comme prévu pour te rendre tout ton optimisme. Tu verras. Tu sembles bien sûr de toi, Ormaïn. Je commence à te connaître, si bien que je peux prédire tes réactions. Ben voyons. Elle l'enlaça de ses longs bras, qui n'étaient plus aussi fins qu'avant, et le reconduit à la porte. Ils embarquaient en direction du comète le lendemain. Il leur restait des préparatifs à régler chacun de leur côté. Sur le seuil de la porte, le Nikéen se retourna déconfit. Là, je ne m'attendais pas à cette réaction. Il vit l'ombre des deux battants de la porte gagner sur lui et enfin l'envelopper complètement. La lumière vive des appartements de la princesse avait disparu, et il était désormais éclairé par la timide lueur qui provenait des fenêtres donnant sur la cour intérieure du palais. Il prit l'ascenseur antigravité pour atteindre le 4e étage où il était logé, plutôt que l'escalier. Début de connexion. Fille Zélé, puis-je savoir à quoi rime cette irruption en public avec le Nikéen, sans même être vêtue d'apparats royaux ? Reine Zininuma, beaucoup de choses restent à régler avant notre départ de demain. Je n'ai que peu de temps à vous accorder. Alors, mentionnez précisément l'objet de cette sollicitation, sinon j'y couperai court. Depuis leur retour de Nikéas, Zélé s'adressait à la reine sans le moindre tact. et Nezininuma ressentait bien le plaisir vengeur qu'elle y prenait. Auparavant, jamais sa fille n'aurait osé ne serait-ce que penser qu'elle aurait pu lui parler de la sorte. Aujourd'hui, Zeninuma savait qu'elle n'avait d'autre choix que de subir ses humeurs, et qu'elle devait lutter pour ne pas les relever. Elle avait tout à perdre à exiger un changement de ton, alors que Zélé, de son côté, pouvait tout exiger de la reine. Zeninuma savait que sa fille ne pousserait tout de même jamais trop loin ses exigences, qu'elle n'ordonnerait, entre autres, jamais d'être vouvoyée. Tant mieux pour la reine, elle n'aurait pas supporté de s'abaisser ainsi. Malgré les révélations sur l'histoire Nikkyo-Upléenne et les réactions spontanées de sa fille, Zeninuma ne se remettait en rien en question et ne se sentait pas fautif par rapport à la situation nikkéenne. Elle était consciente de ce qui lui était reproché, sauf qu'elle ne concevait pas comment elle aurait pu agir autrement. Fille zélée, toi et Ormaïn êtes sortis précipitamment du bureau du roi, et il y a quelques heures, la séquence envahit le Rezark. Nous avions convenu qu'il resterait à l'écart de la foule jusqu'au sommet du comète. Reine Zeninuma, les Upléens devraient avoir à se soucier de bien d'autres choses que de leur héritière courant dans un couloir avec un étranger. Quoi qu'il en soit, elle s'agissait d'une urgence, le protocole était la dernière de mes priorités. Fille zélée, tu n'avais qu'à désactiver le camouflage de ton implant pour ne pas être reconnue. Reine Zeninuma, c'est vrai, mais je n'ai plus accès à toutes ces fonctions. Vous savez bien, puisqu'il s'est avéré que j'ai une dépendance. Fille zélée, n'utilise pas ce mot. Reine Zeninuma, si, je l'utilise. C'est ce que je suis, une implantomane. Acceptez cette idée, votre fille est une droguée. Quand la vérité n'est pas belle, vous détestez l'entendre, je sais bien. Des thérapies doivent exister contre ça. Vous devriez consulter une psy comme moi, cela nous ferait un point commun. Fille zélée, apprécies-toi autant de me torturer? Reine Zeninuma, vous ne savez rien de la torture. Cessez de vous placer en victime. Fin de connexion. La décoration du cabinet de la psychologue de Zélée était loin de lui inspirer le calme et le repos, sentiment qu'elle apportait clairement aux autres patients en voir leur mine détendue. Les motifs animés des murs représentaient des dunes qui s'égrenaient au vent, et des troupeaux de bolbolco passaient parfois à l'horizon. Quelques autres créatures sortaient par intermittence la tête hors du sol, pour s'y enfouir aussitôt de nouveau. La raison de son malaise face à ce spectacle était confuse. Était-ce parce que Goba vivait désormais dans le désert et qu'il lui manquait? Ou était-ce parce que le désert lui rappelait combien ce climat était opposé à celui de Nikéas, et qu'en imaginant la chaleur étouffante, elle ne rêvait que davantage à l'humidité de la jungle et à la fraîcheur des galeries? Ou parce que le désert la renvoyait à l'exil injuste vécu par son peuple, qui ne connaissait d'autres paysages que les étendues de sable, au lieu d'être familiarisé avec les forêts impénétrables, les océans gigantesques ou les banquises enneigées? Tout cela à la fois peut-être, sûrement. Arriver 3 séances avant la sienne faisait partie de sa thérapie. L'implant habituait l'usager à obtenir tout de suite, en une fraction de seconde, et plus encore, puisqu'il pouvait obtenir plusieurs choses simultanément. Zélé devait réapprendre la patience, à rester inoccupée, et à apprécier cet état. Les premières fois lui avaient été insupportables. Elle avait même souvent quitté les lieux, avant que le moindre patient ne fût sorti de la salle de consultation. Sa détermination et le soutien d'Ormaïn lui avaient permis de revenir, et de surmonter ce qui lui aurait paru insurmontable l'année précédente. Elle avait pour consigne de rester la plus inactive possible. Elle ne pouvait pas engager la conversation avec quelqu'un dans la salle d'attente, excepté si c'était l'autre qui l'abordait. Mais de manière polie, il lui fallait couper court pour retourner à son état passif. Personne ne la reconnaissait, bien sûr, son camouflage implantaire avait été configuré pour se réactiver quand elle quittait le palais, pour se rendre à sa séance. La salle de consultation, quant à elle, avait des murs et un plafond inanimés. Il y faisait sombre et l'atmosphère y était humide. Il y avait plusieurs salles, chacune reconstituant un climat différent pour correspondre aux différentes espèces venant consulter. La psychologue avait été très étonnée du choix du climat émis par l'héritière, et Zélé lui avait répondu que c'était depuis Nikéas qu'elle éprouvait ce besoin. La princesse avait menti pour couvrir un minimum son passé et ne pas évoquer de maladie secrète. Et finalement, elle réalisait aujourd'hui que l'idée d'argumentaire qui lui était venue chez Zoku était en fait déjà un peu présente dans son esprit. De plus, quand son intervention auprès du comète serait rendue publique, jamais la psychologue ne comprendrait qu'elle cachait les véritables origines de sa nature de peau. La psychologue, la docteure Mirori II Kor, n'était pas Nifienne. Elle venait de la planète Abyssagitaire, du système DES, d'une région tout aussi désertique et chaude que le pôle nord du Pléas, bien que les climats de sa planète natale étaient plus variés. Techniquement, elle se trouvait dans la même pièce que Zélé. Physiquement, une cloison invisible et isolante les séparait, sans que le son ou la qualité de l'échange en pâtissent. Princesse Zélé, parvenez-vous désormais à pleinement reposer votre cerveau pendant une phase de sommeil, à vous abandonner totalement plutôt qu'à garder une partie active via votre implant U? Mirori de corps, cela fait 6 jours complets que mes phases de sommeil sont entières. Je ne sais si c'est parce que la thérapie me fait progresser ou si l'effort mental intense de la vie sans implant me fatigue trop. Et je n'attends que de dormir. Dialoguer en ikéen aurait tant plu à Zélé. Malheureusement, il n'y avait aucune explication logique à ce qu'elle ait conservé sa capacité à parler nikéen, alors qu'elle avait appris cette langue pendant qu'elle était implantée. Elle aurait dû oublier cette langue au même moment que l'accès à son implant avait été limité. Déjà, pendant qu'elle, Zoku et Ormaine étaient sur Nikéas, alors que son organisme était totalement vidé de dionyme, elle parlait et comprenait le nikéen. Cette constatation avait suscité des interrogations chez ses compagnons, mais ils avaient préféré ne pas aborder le sujet, supposant, à juste titre, que la princesse n'en savait pas plus qu'eux. Si la psychologue en était informée, elle chercherait l'origine de ce phénomène, et Zélé jugeait que ça aurait été une perte de temps. Elle attendait une seule chose bien précise de ses séances, se remémorer les événements de Nikéas qu'elle avait vécu seule. Mirori de corps, mon sommeil est perturbé par des images. Et je ne sais si elle s'agit d'événements réels ou de simples cauchemars, continua Zélé. Princesse Zélé, quels sont ces cauchemars? Mirori de corps, il n'y en a qu'un, toujours le même, qui est revenu à chaque phase, tous ces 11 derniers jours. Un Nikéen qui m'a été présenté, mais je ne me rappelle pas de son nom, et son visage est flou. En fait, il s'agit de Karoa. Ses traits sont gravés dans sa mémoire, mais elle n'a jamais parlé de lui. Il se penche sur moi, pour me dire quelque chose. Il n'a rien à dire. Il se penche sur elle pour l'embrasser. Mais ses yeux s'écarquillent, ses rétines se dilatent, et déversent du sang en cascade. Vil va s'effondrer sur moi. Alors jamais carte, et Vil tombe dans une fosse emplie de corps de mercenaires, ceux que j'ai tués. La fosse est si grande, j'en manque de m'y précipiter. J'en recule et elle me paraît encore plus grande. Elle s'étend à l'infini et je réalise que ce n'est pas une simple fosse creusée dans le sol, c'est la faille Mzibokoe, celle de notre planète. Et parmi les cadavres, il y a des Upléens. L'effroi me fige, ma respiration s'accélère, pourtant je ne parviens pas à me réveiller. Mes yeux restent fixés dessus un temps interminable avant qu'enfin ils s'ouvrent sur ma chambre. Princesse Zélé, vous avez conscience que vous avez tué des êtres sentients, mais vous ne vous rappelez pas encore de la situation qui vous a poussé à agir de la sorte. Pour le moment, vous voyez comme un danger pour les autres. Quand nous parviendrons à reconstituer le déroulement des événements, entre votre arrestation et votre réunion avec Zoku et Ormaïn, vous pourrez vous apaiser. Tant que la mémoire ne vous est pas revenue, vous continuerez à voir le pire dans vos actes, sans être capable de les analyser avec objectivité. Mirori de corps, Ormaïn m'a dit comme voix. Nous en avons un peu discuté, expliqua Zélé. Princesse Zélé, Vil me barrait de bons conseils et doué de bon sens. Que Vil fasse partie du voyage est une excellente chose. Vil pourra vous apporter son soutien et vous éclairer dans vos doutes. Pendant ce voyage, justement, pratiquez bien les exercices que nous avons vus ensemble. Écoutez les enregistrements de Zoku et Ormaïn décrivant ce qui s'est passé sur Nikéas, afin de reconstituer vos propres souvenirs. Quand vous serez parvenu à retrouver tout cela, vous pourrez espérer en faire de même avec ceux où vous étiez seuls. Les témoignages de Zoku et Ormaïn avaient été enregistrés séparément afin d'opposer les deux points de vue sur certains détails, ce qui pouvait stimuler davantage la mémoire de Zélé. Elle se souvenait de leur arrivée, de la découverte des galeries et du banquet donné en leur honneur, puis de la perte progressive de l'accès à son implant, de la visite guidée nocturne avec Karoa dans les moindres détails, et la lecture du carnet qui avait suivi. C'était à partir du lendemain, la visite des camps, qu'il ne lui restait que des bribes. Le visage d'Ali Jody l'avait particulièrement marqué, et la majorité de son récit aussi. Elle se rappelait des adieux aux résistants, alors qu'il repartait vers l'Agilgo, accompagné de Karoa. Le guet-apens et l'exécution abrupte du jeune Nikéen. À partir de là, la mémoire de Zélé était un trou noir.